Le baron répondit, poste pour poste, qu'on allait aviser. Puis il partit pour le Havre, afin de se renseigner. Et il hypothéqua des terres pour se procurer l'argent qui fut envoyé à Paul. Le jeune homme répondit, trois lettres, de remerciements enthousiastes et de tendresse passionnée, annonçant sa venue immédiate pour embrasser ses chers parents. Il ne vint pas. Une année entière s'écoula. Jeanne et le baron allaient partir pour Paris afin de le trouver et de tenter un dernier effort quand on apprit par un mot qu'il était à Londres de nouveau, montant une entreprise de paquebots à vapeur sous la raison sociale de Paul de Lamare et compagnie. De Lamare en un seul mot. Il écrivait « C'est la fortune assurée pour moi, peut-être la richesse, et je ne risque rien. Vous voyez d'ici tous les avantages. Quand je vous reverrai, j'aurai une belle position dans le monde. Il n'y a que des affaires pour se tirer d'embarras aujourd'hui. » Trois mois plus tard, la compagnie de paquebots était mise en faillite et le directeur poursuivi pour irrégularité dans les écritures commerciales. Jeanne eut une crise de nerfs qui dura plusieurs heures, puis elle prit le lit. Le baron repartit au Havre, s'informa, vit des avocats, des hommes d'affaires, des avoués, des huissiers, constata que le déficit de la société de Lamare était de 235 000 francs et il hypothéqua de nouveaux biens. Le château des peuples et les deux fermes furent grevés pour une grosse somme.